à la recherche du bonheur ou des bons instants. On comprend vite qu'il est l'heure de prendre son élan. Plus le temps de mépriser le temps pour maîtriser l'essence. Un esprit révoltant pour se donner toutes ses chances. Alors on se noie dans un océan de peur et de doute. C'est dans le fond qu'on aperçoit le bon côté de la route. Et sans nul doute, quiconque essaiera de nous stopper se verra frappé de mutisme et de cécité. Voilà la nécessité de ne pas cesser de citer toutes les libertés que ces gens sont en train de bafouer. Vois les centres fermés, sans papiers expulsés, manifestants frappés, leurs enfants séparés. Les grèves de la faim qui n'en connaissent pas, ils préfèrent trouver la mort que trouver un repas. Leurs gestes les honorent, j'ai peur qu'ils ne soient pas entendus. Car en fait rien ne change, juste l'histoire qui continue. J'passe mon temps, j'avance et j'perds du temps. Ce monde m'embrouille, mon cœur parle, je serre les dents. J'prends de l'élan, les poings serrés de l'avant. J'réfléchis toujours l'esprit au présent. J'passe du temps, j'avance et j'perds mon temps. Ce monde m'embrouille, mon cœur parle, je serre les dents. J'prends de l'élan, les poings serrés de l'avant. J'réfléchis toujours l'esprit au présent. Un souffle d'espoir. Nous il n'est pas trop tard, chaque jour suffit sa peine et de temps est trop bavard. Les récits sont trop bavards, parlent plus de rien que de tout. Ils parlent au nom de l'art, mais le salissé s'en fout, c'est fou. À l'affiche, à la télé, trop de talents ratés. Alors qu'à portée de bras, y'a une flopée de talents cachés. Mais que veux-tu, ils n'ont pas la tête de l'emploi. Préfèrent un joli faciès que des textes qui ont du poids. Et on le voit dans les médias, tant de blabla, de ci, de ça. Mais en fin de compte, pas grand chose de palpable. Ils nous mènent en balade avec tous leurs palabres. Heureusement que leurs parades ne sont pas imparables. Et loin d'être impeccable, j'appliquerai ma plume au fond de leurs blessures pour l'ancrer de leur rancune. Utiliser l'amertume pour les feuilles pleines de ratures et la joie de survivre pour les plus belles écritures. J'passe mon temps, j'avance et j'perds du temps. Ce monde m'embrouille, mon cœur parle, je serre les dents. J'prends de l'élan, les poings serrés de l'avant. J'réfléchis toujours l'esprit au présent. J'passe du temps, j'avance et j'perds mon temps. Ce monde m'embrouille, mon cœur parle, je serre les dents. J'prends de l'élan, les poings serrés de l'avant. J'réfléchis toujours l'esprit au présent. Et j'persiste encore. Avant que ma voix ne s'éteigne, avant que la haine me freine, avant que les portes se ferment. Si je m'entraîne seul dans un tourbillon de vice, alors faudra que je m'éclipse, car ici plus rien n'est fixe. À part le tempo, la constante de chaque mesure, je m'y accroche, oublie mes gestes et tous mes mots si durs. La fatalité me sidère, j'ai abandonné ma fierté. Aucune honte à admettre que je me suis fait baiser. Au fond de mon linceul, j'ai fait le tri dans mes fréquentations. Putain, j'ai fini seul, ou presque, moi et ma passion. Repartir à zéro à 19 ans, ça paraît impossible. Mais y'a pas d'autre choix, vu que j'ai dit non au suicide. Je suscite peu d'espoir, je dirais même beaucoup de détresse. J'ai du mal à le croire, mais en fait la vie me blesse. La tristesse s'empare de moi, me ronge de l'intérieur. Pas encore trouvé le moyen de surmonter mes pleurs. Je passe mon temps, j'avance et je perds du temps. Ce monde m'embrouille, mon cœur parle, je serre les dents. Je prends de l'élan, les poings serrés de l'avant. Je réfléchis toujours l'esprit en présent. Je passe du temps, j'avance et je perds mon temps. Ce monde m'embrouille. Mon cœur bat, je serre les dents. J'prends de l'élan, les poings serrés de l'avant. J'réfléchis toujours l'esprit au présent.